Mazas se dirigea vers la cage d'où provenait la voix. Un jeune homme, aux traits émaciés, à la main gauche entourée d'un linge sanguinolent, la contemplait l'air extasié. Qui êtes-vous ? Mazas Pavel, c'est le Lord Amiral Atlan qui m'envoie. Les dieux soient loués, je savais bien qu'il me sortirait de là. Il va encore falloir quitter ce charmant lieu de villégiature et se payer une séance de saut de mouton dans l'atmosphère de l'Upus 4. Marmonna la jeune femme en s'activant sur la serrure. Elle se redressa avec une petite moue de contrariété. Si je ne veux pas déclencher l'alarme, il va falloir que je trouve la clé. C'est le garde que vous avez épinglé avec votre cure-dent qui détient tout le trousseau. Un sourire amusé apparut sur les lèvres de Mazas qui apprécia l'humour du prisonnier. Cela prouvait au moins que les sévices subis ne l'avaient pas marqué moralement. Elle s'approcha de sa victime qui était étendue à plat ventre, près de la table, la retourna de la pointe du pied et arracha le couteau qui avait causé une plaie effrayante, tranchant quasiment la tête. Elle essuya la lame sur l'uniforme du garde, mais détacha le paquet de clés qui pendait à sa ceinture. Un bruit de voix assourdie commença à s'élever dans la salle. Les autres prisonniers, tout d'abord surpris par la soudaineté de l'action et l'apparition de la jeune femme, se mettaient à manifester dans l'espoir d'être libérés. « Taisez-vous, je m'occupe de vous dès que j'ai ouvert la cage de Tosef. » C'est dans le plus grand silence qu'elle essaya diverses clés avant de trouver la bonne. Tosef poussa la porte grillagée de sa prison et serra avec reconnaissance la main de la Karzassienne. Merci. Ça fait du bien d'être de ce côté des barreaux. Je m'en doute. Elle s'approcha de la cage suivante, où se tenait un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux roux. Elle tâtonna à peine pour trouver le bon sésame et glissa tout le trousseau dans la main de celui qu'elle venait de libérer. Continue. Tandis que le rouquin s'exécutait, elle se rapprocha de Goral, qui s'était emparé du désintégrateur lâché pour le second gardien. « Il va falloir filer en vitesse. Je crains que quelqu'un ait entendu le grondement de cet engin, même s'il a été très bref. » Ils s'avancèrent vers l'entrée du couloir qui portait les traces du tir instinctif du garde à l'apparition de Mazas. Lorsqu'ils s'y engagèrent, le rouquin était sur leurs talons, précédant une demi-douzaine de prisonniers silencieux, et déterminé à s'évader des geôles de la sinistre forteresse. Le petit groupe déboucha rapidement dans la pièce où Steve s'était retranché. Le pilote contempla la troupe dépenaillée qui suivait Mazas et lança à mi-voix « Eh bien, dis donc, tu as fait des petits ?»« Oui, et il faudra faire avec. »« C'est bien notre chance, » soupira Hirsing. Pendant que s'échangeaient ces quelques mots, les prisonniers libérés s'était emparé dans le plus grand silence des armes des gardes neutralisées quelques minutes plus tôt. « Je me sens déjà plus libre avec ce joujou en main. » murmura le rouquin en agitant l'éclateur qu'il venait de prélever. « Espérons que ce sentiment va durer jusqu'à ce que nous ayons rejoint le cœur de Fomal haut. » soupira Steve. Il jeta un coup d'œil aux prisonniers qui continuaient à apparaître à la sortie du couloir et interrogea Mazas du regard. La jeune femme haussa imperceptiblement les épaules et marmonna « Impossible de repartir par le même chemin avec toute cette bande. J'ai bien peur que nous soyons dans de fichus draps, mais je ne pouvais pas les laisser dans leur cage. » « Ouais. » Le ton de Steve pouvait laisser supposer que lui les aurait laissés. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» L'agent d'Atlan n'eut pas le temps de répondre. Les prisonniers, comme grisés par leur liberté retrouvée, se précipitèrent vers l'escalier par lequel étaient venus les libérateurs de Goral et entreprirent de le dévaler sans même penser aux conditions inhumaines qui les attendraient à l'extérieur s'ils arrivaient à s'échapper de la prison. Mazas tentait de les en empêcher, mais ils se contentèrent de la bousculer et disparurent rapidement dans les entrailles de la forteresse. « Les malheureux, ils vont se faire massacrer !» Pragmatique, le pilote rétorqua « Tu as fait ce que tu pouvais, et tout compte fait, cela va sans doute être notre chance. Pendant qu'ils se frotteront aux gardes, nous pourrons peut-être trouver une autre issue. » Il s'aperçut alors que le rouquin était resté auprès d'eux. « Tu n'as pas suivi les autres ?»« J'aurais infiniment plus de chances de quitter cette foutue planète si je reste avec vous. » Oui, sans doute. Admit le jeune homme, qui se tourna vers sa compagne en ajoutant « Nous n'avons qu'un seul déflecteur pour Goral. Comment penses-tu t'y prendre pour dissimuler... Au fait, quel est ton nom ?»« Kalek Voram. » »« Et que fichais-tu là-dedans ?»« J'y ai été invité pour avoir tué un nanti. » »« Pour cela, on aurait plutôt dû te décorer. Et c'est arrivé comment ?»« Oh, c'est très simple. Il y a quelques mois, on perd facilement la notion du temps quand on est en cage. » Je me trouvais dans une taverne de Cirne, la capitale, si on peut appeler ainsi ce trou de vagor 7. J'y rotais tranquillement un verre de Cirtil lorsque j'ai vu un bonhomme qui tabassait un môme. Je lui ai demandé de lâcher et de déguerpir, mais ce salaud a sorti un éclateur. Seulement, il n'était pas assez rapide et je lui ai tranché la gorge avec le couteau que j'avais dans ma manche. J'étais en légitime défense et aucun des témoins n'a trouvé à y redire. La gamine s'était sauvée. Aussi, j'ai terminé mon verre sans me presser. Je suis sorti du bouge, j'ai pris un coup de parole et je me suis réveillé dans les cales d'un vaisseau qui m'a conduit dans ce petit paradis. Là, j'ai appris que le type que j'avais buté était un nanti en mission. Maza s'intervint, un tantinet agacé. Quand vous aurez terminé les présentations, on pourra peut-être essayer de sortir d'ici. Goral Tosef émit un petit rire nerveux, tandis que le pilote lançait comiquement. À vos ordres, chef. La jeune femme fronça soudain les sourcils. Et tendit l'oreille aux cris et aux détonations provenant du bas de la forteresse, preuve que les prisonniers libérés venaient de se heurter aux gardes. Bon, on n'a plus qu'à foncer vers le haut. Mais elle empêcha aussitôt ses compagnons de s'engager dans l'escalier. Elle souffla. Attention, il y a du monde qui descend. Ils se dissimulèrent de part et d'autre de la voûte par laquelle allaient déboucher les arrivants, dont on percevait les pas pressés. Trois soldats franchirent le seuil, l'arme braquée vers l'intérieur de la vaste salle. Ils n'eurent pas le temps d'esquisser le moindre geste de défense et s'abattirent, assommés, au pied des quatre fugitifs. Mazas les immobilisa avec leurs propres menottes magnétiques et les bâillonna soigneusement. Elle écouta un instant, ne perçut plus le moindre bruit et lança à mi-voix « On y va ! » L'un suivant l'autre, la jeune femme et les trois hommes entreprirent l'escalade des marches. Ils aboutirent dans un couloir dont l'extrémité donnait sur un autre escalier montant, tandis que deux portes s'ouvraient de chaque côté. Steve interrogea. On continue à monter ? Son interlocutrice hocha la tête négativement. On va plutôt essayer ces pièces. Il y a sans doute une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Si c'est le cas, on quittera la forteresse par là. Comme le jeune homme la regardait un peu surpris, elle ajouta « Tu prendras Kalek dans tes bras. J'en ferai autant avec Goral et nous utiliserons nos propulseurs anti-jets. » On va tout de suite se faire repérer et on risque de se casser la figure, car les propulseurs ne sont pas faits pour un tel poids. Tu as une autre solution ? Non. Alors ? Sans hésiter, elle posa la paume sur le palpeur d'ouverture de la première porte, mais celle-ci resta fermée. Sans insister, elle fit de même sur la seconde, avec le même résultat. Traversant le couloir, elle essaya la troisième porte, puis la quatrième, toujours sans obtenir gain de cause. « Laisse-moi essayer. » Mazas s'effaça et céda la place à Steve, qui utilisa le passe-partout qui lui avait si bien réussi lorsqu'il s'était agi de déverrouiller la porte du collecteur d'égout. Son boîtier électronique et sa carte plastique firent à nouveau des merveilles. Sans le moindre bruit, le panneau recula dans son logement et s'écarta, offrant à la vue une pièce vide d'occupant, sommairement meublée d'une armoire, d'une table basse, de deux petits fauteuils enveloppants, et d'une couchette poussée contre un mur. Un visiophone et un écran 3D trônaient sur la table, près d'un plateau supportant deux verres et une bouteille. Sans doute la chambre d'un des gardes que nous avons assommé. Oui, mais il n'y a pas de fenêtre, fit remarquer Goral. La jeune femme avisa sur le mur opposé au lit une lourde tenture fixée par une tringle métallique. Elle l'écarta, découvrant un cabinet de toilette avec une douche régénérante. Et, près du plafond, un fenestron étroit ouvrant sur l'extérieur. Voilà notre sortie. Faut pas être épais, maugréa le pilote. Jamais content celui-là, rétorqua Mazas en retournant sur ses pas pour verrouiller la porte d'entrée. Puis elle revint dans la salle d'eau et regarda attentivement le système de fermeture du vasistas. Tu peux me soulever, que je vois d'un peu plus près comment c'est fermé. Tenue à bout de bras par Steve, sa compagne s'escrima un moment avant de parvenir à dégager le battant. Une rafale de vent glacial envahit la petite pièce. Goral et Kalec, dans leur simple tenue de prisonnier, se mirent à frissonner. Il faudrait leur trouver quelque chose d'un peu plus chaud, sinon ils vont claquer avant de rejoindre le vaisseau, si on parvient à le rejoindre. Oui, tu as raison. Il y a sans doute des vêtements dans la chambre. Goral et Kalec se hâtèrent vers l'armoire et ouvrirent le battant de droite, découvrant un bar et un petit réfrigérateur. Heureusement pour eux, celui de gauche ouvrait sur la penderie. En quelques instants, ils s'équipèrent du mieux possible, sans vraiment s'occuper de savoir si ce qu'ils enfilaient était trop grand ou trop petit pour eux. Mazas jeta un coup d'œil à ses trois compagnons, s'estima satisfaite de leur tenue et annonça « Il y a un barreau en terconite au milieu de l'ouverture. Il va falloir l'enlever. » Et sans aucun doute, cela va déclencher une alarme. Il faudra donc faire très vite, si nous ne voulons pas nous faire cueillir à la sortie. À l'aide du mobilier de la chambre, ils confectionnèrent un échafaudage qui les amena au niveau du fenestron. La jeune femme regarda le goniomètre qu'elle portait au poignet droit et constata que la pièce où ils se trouvaient était presque diamétralement opposée à la direction du cœur de Fomalhaut. Elle le signala à ses compagnons en ajoutant « Il va falloir faire le tour de la prison pour retourner au vaisseau. Avec un peu de chance, nos poursuivants vont commencer à nous chercher dans la mauvaise direction, car la logique voudrait que nous ayons suivi le chemin le plus court pour disparaître dans la forêt. » Pour ceux qui ont un déflecteur, ce ne sera pas trop compliqué, mais celui qui n'en a pas va forcément se faire repérer, et les gardes connaîtront la bonne direction. Objecta le pilote. C'est pourquoi celui qui va rester visible, moi en l'occurrence, partira bien dans la mauvaise direction, pendant que les autres feront le tour. Pourquoi toi ? Parce que je vais garder mon propulseur qui me permettra de me déplacer rapidement, de faire un détour et de vous rejoindre puisque vous serez bien plus lent que moi. Ouais, je suppose que je n'ai pas le droit de faire la moindre objection. Exact, ce ne peut être que l'un de nous deux. Et toi, tu es indispensable comme pilote pour quitter ce fichu caillou. Conclusion, c'est moi. Elle tendit la ceinture contenant le déflecteur et la résine imperméable aux infrarouges à Kalec, puis enchaîna. Je vais déceler le barreau au laser. Dès qu'il aura été déposé, Steve et Kalec vont se glisser par l'ouverture et se laisseront tomber à l'extérieur, bien agrippés l'un à l'autre. Je les suivrai avec Goral. Je pense que les propulseurs anti-G nous permettront d'atterrir sans trop de mal au pied de la forteresse. C'est là que je vous quitterai, pendant que vous en ferez le tour et partirez dans la bonne direction. Si tout se passe bien, on se retrouvera sur le chemin du cœur de Fomalhaut. Devant l'air soucieux de Stevomir, elle s'empressa d'ajouter « Si je ne suis pas de retour au vaisseau, au plus tard, une heure après vous, ou si les poursuivants se rapprochent et risquent de découvrir le vaisseau, ne m'attendez pas et décollez. » C'est hors de question. On est arrivés ensemble, on repartira ensemble. C'est un ordre. Goral doit absolument être amené auprès d'Atlan. Le sort de nombreux mondes en dépend. Considérant que tout avait été dit, elle entreprit de s'attaquer au barreau de Terconite. Le béton en serrant les deux extrémités fut découpé en quelques gestes précis et la barre métallique dégagée de ses logements. Allez-y! Les deux hommes enclenchèrent leur déflecteur, ce qui les rendit aussitôt invisibles à leurs compagnons, et se glissèrent prestement par l'étroite ouverture avant de se laisser tomber, étroitement enlacés. À nous! Mazas s'extirpa la première, soutenue par son antigé. Elle tâtonna un peu pour trouver la main de Coral qui venait de se mettre en état d'invisibilité et l'empoigna solidement. Sous l'effet des deux poids, le propulseur commença par céder avant de se rétablir et de les amener avec une relative douceur jusqu'au niveau du sol. Là, elle sentit une main sur son épaule et la voix de Steve lui murmura « Sauve-toi vite, je m'occupe des deux autres, et surtout, sois prudente. » En réponse, elle lui bourra affectueusement les côtes à tâtons et s'éloigna le plus rapidement possible à l'aide de son propulseur anti-jet. Malgré le vent et la pluie battante, une quinzaine de secondes lui suffirent pour atteindre la lisière du No Man's Land et se glisser à l'abri des regards parmi les énormes troncs de la flore lupusienne, où elle put allumer la petite lampe qu'elle fixa à son front par un serre-tête. Il s'en fallait encore d'une heure environ pour voir le pâle soleil qui éclairait Lupus 4 se lever et répandre une lumière parcimonieuse au-dessous des frondaisons. La violence de la tempête était sérieusement atténuée par l'épais feuillage des arbres géants et la pluie ne parvenait au sol que par des suintements continus le long des frondaisons. Le bruit même était fortement diminué et seul un bourdonnement sourd atteignait les oreilles de la jeune femme. Celle-ci continua à progresser dans la même direction, tournant résolument le dos au cœur de Fomalo afin d'induire en erreur les poursuivants qui n'allaient pas tarder à s'élancer sur ses traces. Car elle ne se faisait aucune illusion. Malgré le temps extrêmement court mis pour atteindre la Sylve, il était impossible qu'elle n'ait pas été repérée par les détecteurs de la forteresse. 5 minutes plus tard, elle put constater qu'elle avait vu juste. 2 navettes décollèrent de la prison pour venir cercler au-dessus de la forêt qui lui offrait cependant une protection suffisante, d'une part parce que l'épaisseur du plafond végétal ne permettait pas un repérage visuel, et que d'autre part, les détecteurs à infrarouge n'étaient guère utiles car ils ne permettaient pas de faire la différence entre un représentant de la faune locale et un fugitif. À condition de ne pas utiliser son propulseur anti-jet, Mazas courait peu de risques d'être localisé depuis les airs. Mais lorsque les recherches s'effectueraient au sol, ce serait une autre histoire. Les gardes possédaient une meute de Dicos et ces féroces pseudo-félins, doués d'un flair redoutable et spécialement dressés à la recherche des prisonniers évadés, ne se laisseraient pas abuser par les pistes animales. Mazas se mit donc à courir sur l'humus humide, en incurvant petit à petit sa course, de manière à se rapprocher progressivement de la bonne direction. Elle était dans une condition physique parfaite, et les quelques kilomètres la séparant de son but ne lui faisaient pas peur. Son seul souci était de savoir si elle parviendrait au cœur de Fulmalo avant ses poursuivants. Elle consultait régulièrement son goniomètre, dont l'aiguille semblait à peu près stable, preuve que Steve s'était montré pessimiste lorsqu'il l'avait assuré qu'elle éprouverait beaucoup de difficultés à retrouver le vaisseau sans son aide, à moins qu'il n'ait quelque peu exagéré afin de lui arracher son accord pour l'accompagner. My wild Irish rose, the sing of their roses, which by other names would smell just as sweetly, they say. But I know that my rose would never consent to have that sweet name taken away. Her glances are shy whene'er I pass by the bower where my true love grows. And my one wish has been that someday I may win the heart of my wild Irish rose. My wild Irish rose, the sweetest, hardest rose. You may search everywhere, but none can compare with my wild Irish rose. My wild Écoutez la radio des éditions de l'avenir. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Christophe dans le rôle de Stevomir Hirsing, Fred dans le rôle de Goral Tosef, Kael dans le rôle de Kalek Voram et Christian Martin à la narration. Chapitre 2, deuxième partie. Pendant ce temps, le pilote et ses deux compagnons avait traversé sans encombre la partie dénudée les séparant de la forêt. Ils se hâtèrent de s'enfoncer sous les épais feuillages qui, tout en les dissimulant, avaient l'avantage de les protéger de la pluie cinglante et urticante. Sans se concerter, ils débranchèrent leurs déflecteurs et Steve alluma sa lampe. C'est quand même plus pratique de se voir, soupira Kalek. Le sol spongieux et parfois glissant ne favorisait pas les déplacements, mais ils s'élancèrent d'un bon pas vers leur but. J'espère que Mazas va s'en sortir et vite nous rejoindre. Le contraire m'étonnerait. Je ne la connais pas depuis longtemps, mais vous pouvez me croire, c'est une sacrée bonne femme. Le Lord Amiral m'avait prévenu, et il n'avait pas exagéré. Au bout de quelques minutes, il leur fallut ralentir leur marche, car les deux ex-prisonniers, minés par les mauvais traitements, commençaient à s'essouffler. Le pilote ne jetait un coup d'œil que de temps en temps sur son goniot, car il possédait un grand sens de l'orientation et s'y fiait plus qu'à ses instruments électroniques. À plusieurs reprises, il fut tenté d'envoyer un hyper-message condensé à Corton Lagaze, qui devait être rempli d'une inquiétude mortelle à leur sujet, mais la raison l'emporta chaque fois. Même si les chances d'être interceptés étaient infimes, elles existaient cependant, et il ne fallait pas prendre le moindre risque de faire repérer le vaisseau. Au bout d'une heure de marche, sur le sol gras, Steve se vit dans l'obligation d'accorder quelques minutes de repos à ses compagnons qui se traînaient, le souffle court, essayant désespérément d'accorder leurs pas sur ceux de leur guide. C'est encore loin ? Interrogea Goral d'une voix haletante. Encore une bonne heure et demie. Pour vous aider à reprendre la promenade, pensez à Mazas qui entraîne les poursuivants sur ses traces pour nous permettre de rallier sans trop de mal le cœur de Fomalo. Reprocha Steve, un peu irrité de constater que les deux hommes qu'il venait de libérer semblaient se plaindre. Mais il regretta aussitôt son mouvement d'humeur en voyant le visage tiré de fatigue, les traits accusés et le regard éteint de ses compagnons. Ces derniers avaient subi dans les geôles de l'Opus 4 un régime qui les avait minés physiquement et psychologiquement, et leur épuisement actuel était bien compréhensible. D'un air bougon, il reprit « J'ai une dose de vitalisant Hara, vous allez vous la partager. Cela devrait vous donner le coup de fouet nécessaire pour repartir. » Joignant le geste à la parole, il sortit d'une poche de sa combinaison un petit tube fin dont il cassa l'extrémité, faisant apparaître une fine aiguille. Avec dextérité, il la planta dans la cuisse de Goral, enfonça le piston jusqu'à mi-course et appliqua le même traitement à Kalec avec le reliquat de la seringue. Dans quelques minutes, vous devriez avoir retrouvé la pêche. Il s'installa aussi confortablement que possible contre le tronc rugueux d'un colosse végétal et attendit patiemment que la piqûre commence à faire effet. Pour passer le temps, il extirpa d'une de ses poches une barre énergétique qu'il mastiqua consciencieusement après l'avoir partagée avec ses compagnons. Le médicament Hara était efficace, car moins d'un quart d'heure plus tard, les trois hommes avaient repris leur progression en direction du vaisseau. Est-ce que la forêt abrite des animaux dangereux ? Voulut savoir Goral. Réellement dangereux, pas à ma connaissance, mais il existe une sorte de chat sauvage à six pattes qui n'hésite pas à s'attaquer à tout ce qui bouge lorsqu'il est affamé. Cependant, il est en voie de disparition, car pendant des dizaines d'années, des braconniers les ont décimés pour se procurer leur peau et les revendre, au marché noir, à de riches collectionneurs de trophées. Ce sont des exatigres ? Oui. Tu connais ? J'ai enquêté sur les contrebandiers qui les amenaient sur les mondes où leur importation était interdite. Steve se racla bruyamment la gorge avant de lancer d'un ton peu naturel. Maintenant que vous avez repris des forces, il faudrait peut-être accélérer, on n'est pas encore arrivé. Kalec jeta un regard étonné aux deux hommes, haussa les sourcils d'un air interrogateur, mais eut le bon goût de ne poser aucune question. Ils avaient à présent quitté la prison depuis près de 2 heures et envisageaient avec plaisir l'arrivée prochaine à la vallée étroite où était disséminé le petit vaisseau et où les attendait son copilote rongé par l'angoisse. Stop ! Goral et Kalec s'arrêtèrent net et lancèrent un regard surpris à Steve. Des navettes sont en train de nous survoler. Mais tu nous avais dit que les détecteurs à infrarouge ne pourraient pas nous repérer avec les résilles protectrices. C'est exact, mais leur efficacité n'est valable que pendant un certain temps. D'après ce que m'a expliqué Mazas, et j'ai peur que nous ayons largement dépassé ce temps. Si nous sommes redevenus visibles, nos poursuivants vont découvrir sur leurs écrans 3 formes qui s'avancent côte à côte. Ce qui n'est pas très naturel pour des bêtes sauvages. Alors ? Dans le doute, on va se séparer lentement, comme si nous errions à la recherche de nourriture. Goral vers la gauche, Kalec vers la droite, tandis que je vais retourner sur mes pas. Essayez de trouver des repères pour revenir ici dans environ une demi-heure. Espérons que cela va marcher. Murmura Kalec en s'éloignant de ses compagnons. Goral Tosef soupira. J'ai bien peur qu'on ne soit pas encore sorti de l'auberge. Puis il s'éloigna à son tour après avoir donné une petite tape amicale sur l'épaule de Steve. Celui-ci se laissa un peu distancer par les deux hommes, avant de revenir en arrière, en contournant plusieurs arbres près desquels il s'arrêtait parfois, s'agitant sur place, avant de repartir d'une course rapide sur quelques mètres. J'espère que cela ressemble à un comportement animal, soliloqua-t-il avec un sourire crispé. Il reprit son manège, en effectuant un arc de cercle destiné à le remettre progressivement dans la bonne direction. out as the stars were under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Écoutez la radio des éditions de l'avenir. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. K00 dans le rôle de Mazas Pavel et Christian Martin à la narration. Chapitre 2, troisième partie. Mazas stoppa sa progression et tendit l'oreille. Malgré le bruit ambiant, il lui avait semblé percevoir une présence derrière elle. À moins qu'il ne s'agisse d'une sorte de sixième sens développé au cours de sa vie tumultueuse. Pendant une dizaine de secondes, elle resta immobile. Puis son regard se durcit. Des poursuivants étaient bien sur ses talons et, aussi rapides et silencieux, il ne pouvait s'agir que de Lycos. En une fraction de seconde, la fugitive se transforma en une machine de combat prête à affronter l'ennemi. Son pistolet aiguillé d'une main, son couteau bricolé de l'autre, elle s'adossa au tronc d'un des végétaux géants, tourné vers l'endroit par où devrait déboucher l'ennemi. Ses armes pouvaient sembler rudimentaires à côté du radiant qu'elle gardait dans son étui, mais elles avaient l'avantage de pouvoir tuer sans bruit et de ne dégager aucune énergie, ce qui éviterait ainsi de guider les poursuivants humains vers elle. Encore que si les détecteurs à infrarouges suivaient la progression des Lycos, les précautions qu'elle prenait ne serviraient pas à grand-chose. La clarté du jour levant, qui commençait à percer le feuillage dru, l'avait autorisée à éteindre sa lampe, mais elle la ralluma afin de mieux y voir. Elle avait tout juste terminé son geste, trois ombres jaillirent de la sente qu'elle venait d'emprunter. Les pseudo-félins, la gueule ouverte sur deux rangées de dents acérées, se précipitèrent vers leur proie, presque silencieusement, un léger son rauque s'échappant de leur gorge. L'index de la jeune femme se crispa convulsivement sur la détente de son arme, et sous les multiples impacts des aiguilles, deux des prédateurs s'écroulèrent à ses pieds. Elle ne put échapper totalement à l'attaque du troisième qui, malgré une esquive désespérée de sa part, réussit à lui labourer l'épaule d'une de ses pattes griffues, la forçant à lâcher son pistolet. Mazas, projeté au sol par le choc, le bras gauche paralysé par la douleur, eut la présence d'esprit de rouler sur elle-même, ce qui lui permit d'éviter un deuxième contact avec le fauve, dont l'assaut s'acheva brutalement contre le tronc de l'arbre. Son instinct de guerrière fit le reste. L'agent de l'OMU tendit le bras et activa le moteur de son couteau contre le flanc de l'animal, qui fut rejeté sur le côté par la violence du coup. Grièvement blessé et surpris par la résistance inattendue de ce gibier étonnant, le lico entama lentement un mouvement tournant, enfeulant sourdement. Désarmé, Mazas envisageait déjà l'utilisation de son arme énergétique quand elle aperçut le pistolet à aiguille. Elle se lança aussitôt dans un roulé-boulé qui eut le don de surprendre le félin, et la fraction de seconde où celui-ci hésita lui fut fatale. L'arme, solidement tenue par la main vadée de la jeune femme allongée sur le sol, cracha ses projectiles mortels, et un troisième cadavre rejoignit les deux premiers. L'action avait à peine duré plus de 10 secondes. Mazas se redressa lentement sur un genou, puis voulut se lever. Une douleur atroce fouailla son épaule gauche et elle manqua d'effaillir. Une sueur froide inonda son visage et pendant un court instant, elle fut tentée d'abandonner la partie. Tout son corps l'exhortait à renoncer au moindre effort. Mais son esprit indomptable reprit rapidement le dessus et elle murmura entre ses dents serrées « Ils ne mourront pas aussi facilement. » Toujours agenouillée, elle porta la main à sa blessure, écartant avec précaution les lambeaux du tissu, pourtant extrêmement résistant, ce qui donnait une idée de la force brutale du lico, et mit à nu les chairs sanguinolentes. Elle grimaça en contemplant les dégâts. L'os était apparent, mais ne semblait pas brisé. Par contre, les tendons avaient certainement été arrachés par les griffes du fauve, car elle ne pouvait pratiquement pas bouger le bras. Et la douleur pulsait, violente à couper le souffle. Fouillant dans une des nombreuses poches de sa combinaison, elle en extirpa un sachet de peau artificielle, mis au point par les médecins à rats, et l'appliqua sur son épaule. Ce n'était sans doute pas le traitement idéal pour ce genre de blessure, mais dans l'immédiat, il faudrait bien que cela fasse l'affaire. Puis, elle s'injecta le contenu de l'ampoule de vitalisant de son kit de survie. Pendant quelques instants, elle ne bougea plus, s'efforçant de récupérer un minimum d'énergie. Puis, elle inspira et expira profondément à plusieurs reprises, de manière à calmer les battements de son cœur qui avaient tendance à adopter un rythme très irrégulier. Quand elle s'estima en état de reprendre son chemin, elle consulta son goniot en priant le ciel que la direction indiquée soit bien la bonne. Tirant de sa poche l'écharpe souillée qui lui avait servi à nettoyer les traces à la sortie du collecteur d'égout, elle l'utilisa pour soutenir son bras blessé. Parce qu'elle ne s'avouait jamais vaincue, elle se remit en route. En ligne droite, bien qu'elle sût que ses chances d'atteindre le vaisseau et de quitter l'Opus 4 étaient infimes. Elle ignorait si d'autres Lycos étaient sur ses traces, mais elle espérait qu'il n'en était rien car, en cas de rencontre, elle savait qu'elle n'aurait plus les ressources nécessaires pour se battre et que sa carrière aventureuse se terminerait sur ce monde perdu. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Well, Tempe wants the $9 shawl. Yes, Tempe wants the $9 shawl. When I come over the hill with a $40 bill, 'tis, baby, where you been so long? I've been in the bin so long. Yes, I've been in the bin so long. I've been in the bin with the rough and rowdy men, 'tis baby, where you been so long? Oh, I don't like a railroad man. No, I don't like a railroad man. If I was a railroad man, they'll kill you when he can and drink your blood like wine. Oh, I wish I was a lizard in the spring. Yes, I wish I was a lizard in the spring. If I was a lizard in the spring, I'd hear my darling sing, and I wish I was a lizard in the spring. Oh, Tempe, let your hair roll down. Tempe, let your hair roll down. Let your hair roll down and your bangs curl around. Oh, Tempe, let your hair roll down. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down, and I wish I was a mole in the ground. Vous écoutez la radio des éditions de l'avenir. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Christophe dans le rôle de Stevomir Irsing, Kael dans les rôles de Corton Nagez et Kalec Voram, Fred dans le rôle de Goral Tosef et Christian Martin à la narration. Chapitre 2, quatrième partie. Steve avait retrouvé Goral au bout de 35 minutes, mais les deux hommes ignoraient où était Kalec. Sur leur droite, s'il avait suivi les recommandations du pilote. Mais la forêt était gigantesque. Ils espéraient qu'il avait le sens de l'orientation. Leur crainte était pourtant vaine, car ils l'aperçurent qui leur faisait signe de les rejoindre, à demi caché par quelques taillis, à la pousse exubérante. Quand ils l'eurent rejoint, ils découvrirent avec stupéfaction un corps gisant à ses pieds. Un garde chiourme en costume vert foncé, dont la tête portait une plaie béante. Amusé par l'air ébahi de ses deux compagnons, il annonça tranquillement « Il y en a un autre par là-bas. » Effectivement, un second cadavre était étendu au pied de l'un des énormes troncs. « Mais comment ?»« Nos poursuivants ont dû déposer des équipes de place en place dans la forêt. J'ai eu la chance de me trouver derrière ces deux-là quand ils ont traversé le feuillage soutenu par leurs antigés. Ils se sont posés, ont regardé autour d'eux et ont contacté la navette qui venait de les larguer pour dire que tout allait bien. » J'ai profité du moment où ils se sont séparés pour les éliminer l'un après l'autre. À propos, ils se dirigeaient dans votre direction quand j'ai interrompu leur progression. Je crois qu'on te doit une fière chandelle, mais il va falloir faire drôlement gaffe pour rejoindre le vaisseau, si nous ne voulons pas tomber sur leurs copains. Penses-tu qu'il y a beaucoup de ces formations de soldats dans le bois ? C'est probable. Il y a une caserne à côté de l'astroport. et les responsables de la prison ont certainement fait appel aux troupes qui y sont cantonnées pour les aider à nous retrouver. Car le personnel carcéral n'est pas en nombre suffisant pour quadriller tous les environs. En tout cas, grâce à ces deux affreux, nous avons à présent chacun un propulseur anti-G. On doit pouvoir les utiliser sans risque. Ceux qui surveillent d'en haut croiront que nous sommes des leurs. Je pense que Kalec a raison. Profitons-en pour rallier rapidement notre but. Il n'y a même pas de temps à perdre. Les patrouilles doivent certainement reprendre contact avec les navettes à heure fixe, ce qui signifie que nous devons être loin quand ils vont s'inquiéter du silence de ces deux-là. À quelle distance sommes-nous du vaisseau ? La distance est accessoire, car il faut zigzaguer entre les arbres, mais avec les antigés, on devrait mettre 10 à 15 minutes pour l'atteindre. Donc avec un peu de chance, on peut être en l'air dans une vingtaine de minutes. Ouais. Et Mazas, vous l'oubliez ? Nous arriverons au cœur de Fomalo bien avant elle et nous l'attendrons le temps nécessaire. L'heure martella le pilote. Elle nous a demandé de ne pas l'attendre plus d'une heure avant de décoller. Et pas du tout si nous sommes sur le point d'être découverts. Objecta le rouquin d'un ton hésitant. C'est exact. Mais je peux vous assurer que nous ne partirons pas sans elle. Tranchaste et vomir. Gora l'approuva d'un hochement de tête, et Kalec se rendit sans rechigner à leur avis. Allons-y. À peine un quart d'heure plus tard, ils atteignaient le petit vaisseau et furent accueillis par un Corton Nagaz, soulagé au-delà de toute expression les voyant. Puis, le gnome s'étonna. « Et Massas, elle n'est pas avec vous ?» En quelques mots, Steve mit son ami au courant. « Il n'envisage quand même pas de partir sans elle. » « Rassure-toi, nous n'allons pas l'abandonner. Mais avec les bois qui doivent grouiller de patrouilles aéroportées, nous risquons de nous faire repérer à tout moment, et elle également. Aussi, je vais lui désobéir et l'appeler sur son minicom. Le temps de faire chauffer les moteurs du cœur, et je lui lance un appel. « Comment comptes-tu la récupérer ?» Quand nous connaîtrons sa position, nous décollerons et irons stationner au-dessus d'elle. Elle nous rejoindra avec son propulseur anti-G. Et les navettes qui chantent à notre recherche. D'autant qu'avec la proximité de l'astroport, elles doivent être en nombre. Qu'en fais-tu ? L'écran défensif SH du vaisseau absorbera sans problème leur tir. Le seul moment critique sera le court instant où il faudra l'interrompre pour permettre à Mazas d'accéder au sas d'entrée. Mais en coordonnant nos actions, on doit y arriver.